Salut à tous et bienvenue sur RIG à Bordeaux en 90.7 et sur le net sur rigfm.fr et sur girondin33.com. On est ensemble et ça c'est bien parce que je pense que c'est la seule chose qui est bien de la soirée. En effet, Bordeaux est déjà éliminé de l'Europa League après une courte défaite, mais une défaite qui fait mal, le 1-0 que Seb nous dirait « Je vous l'avais dit au tirage, ça serait pas simple » ou Cyril vous dirait « Ça fait deux semaines que je vous dis qu'on passera pas » et ben on n'est pas passé. Et franchement, je vais vous avouer clairement dans l'état où je suis, ça fait mal au cul. Ça fait mal au cul de se dire que, ben, que c'est déjà terminé. Qu'on fera pas d'Europe et surtout la chose la plus difficile pour Girondin Analyse, bah, c'est de se dire que les vendredis vont être vachement moins remplis qu'à l'habitude. Mais bon, on fait avec ce qu'on a et on fait ce qu'on peut, donc on parlera des Girondins en permanence. Si messieurs, il faut peut-être non occuper. Alors, on est un petit peu en galère puisqu'on devait avoir une personne au téléphone, un journaliste avec nous dont j'ai oublié le nom, les amis, vous allez prendre Gilles Astrosan, voilà, pour parler du match de Angers qui doit nous appeler à 21h05. Donc invité oblige, on commencera par Angers, ce qui permettra de nous calmer 5 minutes. Enfin 5 minutes c'est vraiment pas grand les mecs, si vous voulez tourner l'écran c'est bon, il est bon pour vous. Alors on va vous raconter une petite histoire, c'est qu'en fait on est un petit peu à la bourre pour la simple et bonne raison qu'on a fait un petit truc. Voilà, il va y avoir un problème technique ce soir. On était bloqué sur le parking du club sans pouvoir rentrer chez nous. Par contre, voilà, il va falloir tourner pour que tout le monde l'ait. Mais voilà, vous avez le chat, on a une nouvelle technique. Tout le monde voit le chat, donc vous pouvez réagir. Donc si vous voulez nous appeler, c'est pas compliqué, 05 56 35 31 31, 05 56 35 31, deux fois. Donc je vous rappelais quand même le petit programme de... Qu'est-ce qu'il y a messieurs? Oui, vous voulez les micros, c'est ça? C'est alors... pour dire qu'il y a du monde, quand ça va pas, il y a du monde. Comme C'est sûr que quand on a gagné la semaine dernière, quand on a gagné la semaine dernière, vous étiez moins nombreux quand même, les mecs. Je tiens quand même, c'est vrai, à le faire remarquer. Les gens ont des choses à dire, Marc. Il faut être là quand ça gagne et quand on ça perd. On est leur psy ce soir. Analyse. On est en mode psy. Franchement, je dois vous avouer qu'on est allé voir certains joueurs. Pas la grimace. Le fait d'avoir parlé avec Costil m'a un petit peu calmé, je dois vous avouer. Enfin bref, Marc, tu peux nous présenter s'il te plaît comme Oui, allez, il y a Cyril qui est sur la table, il y a Adrien, il y a David, il y a Thibaut. Je ferai pas les jingles parce qu'on est un peu à la bourre et que j'essaye de caler avec le... Il y a Snakil qui doit arriver. Mais je dois caler avec notre cher intervenant, donc je vous laisse faire un petit tour de table, messieurs. Merci. Comment ça va, Cyril? Allez. Merci. Mais non, mais déjà, on va dire qu'on est allé au Hayan, donc il y a tout qui est résumé sur Girondin 33. Donc ça a été. On peut dire ça. Ça a été un petit peu houleux. Il y a quand même quelques supporters mécontents qui ont pris à partie les joueurs. Donc M. Martin et M. Gourvenec sont venus parler aux supporters pendant l'entraînement. Donc du coup ça a été quand même assez un entraînement à part, c'est-à-dire que il y a eu les remplaçants qui se sont entraînés et les titulaires qui ont fait un décrassage. Chez les remplaçants, Roland a été pris à partie. Oui. Donc en lui demandant de choisir clairement et qu'il se positionne rapidement sur son avenir, soit qu'il part soit qu'il reste, mais il a eu un geste d'humeur, le ton est un peu monté, mais ça a été et après avec les titulaires ça a été un peu plus compliqué. Sankaré a un petit peu de caractère, on a senti ça, c'est une manière de dire gentiment. Gourvenec je vais vous arrêter un petit peu, on va avoir notre invité, mais un autre invité qui a un peu suivi ce qui s'est passé à Vidéoton, puisqu'il était intéressé quand même par la prestation des Girondins. On a une petite question qui va avec. La question que personne ne se pose. Que tout le monde nous rêve. Et oui, il y en a une. Qu'a voulu faire Jocelyn Gourvenec avec sa compo et son coaching contre Vidéoton? Vous avez, je crois, 4 réponses. Rendre hommage aux salonisations de son prédécesseur, envoyer un SOS à sa direction pour leur montrer qu'il fallait recruter et vite, révolutionner le football avec une asymétrie parallèle des half-space inversés. Allez la comprendre, celle-là, j'ai rien pipé. C'est et se faire détruire par les supporters et les pour médias marre de sa bonne image, messieurs. Alors je pense qu'il y en a une qui va forcément. C'était quoi la dernière? Parce qu'Adrien a parlé en premier. Rendre hommage. Ah non, c'était. Se faire détruire par les supporters et les médias marre de sa bonne image. La première, le symbolisateur. Symbolisateur, c'est un petit peu. Oui, c'est pour souvenir. Je pense qu'on a tous pensé à ça. Quand on a vu Gajic à gauche, Brésil en 6. En hommage à Poco. Reste une. Ouais. Une Turquie. Allez, messieurs, comme Cyril, c'est toi qui t'es occupé de contacter notre invité, je vais te laisser la joie de l'accueillir. Bonsoir, monsieur Crozon. Bonsoir. Bonsoir. Donc, on va vous présenter rapidement. Vous êtes journaliste donc, chez le Courrier de l'Ouest. Vous êtes responsable de tout ce qui se passe au SCO d'Angers avec votre journal. Donc, vous suivez l'actualité au quotidien du SCO d'Angers. Oui, c'est ça, voilà. Oui, on est deux ou trois, mais on est un peu collé au basque du club. Enfin, c'est un peu le cas dans tous les journaux qui suivent les clubs de Ligue 1. Donc je les maîtrise bien. Donc du coup, c'est pour cela qu'on vous a contacté, car on va pas se cacher, Angers, ce qu'on a suivi de Angers cet été, c'était chez nous surtout Enzo Crivelli. Ouais. Ça a été un petit peu l'actualité entre Bordeaux et Angers. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous faire rapidement une petite revue d'effectifs pour cet été de la part d'Angers? Oui, alors il y a eu beaucoup de départs de joueurs qui étaient plus ou moins importants. Il y a eu 12 départs en tout, donc ça fait quand même beaucoup. Parmi ceux-là, les plus notables, c'est évidemment le capitaine Ndoye, qui était plus vraiment à présenter, hein, une espèce de grande carcasse qui prenait tous les ballons de la tête, qui posait des soucis à beaucoup d'adversaires. Donc je pense que bon, ça va soulager un certain nombre d'entraîneurs qui avaient toujours un peu de mal à trouver un bon joueur de tête pour le prendre. Donc ça, c'est le capitaine qui est parti en Angleterre. Diédiou aussi, l'avant-centre, qui est parti de la même manière en Angleterre. Et puis Pépé, qui a rapporté pas mal de sous en partant à Lille. Voilà, c'est les trois départs notables. Il faut rajouter aussi un joueur qui avait vraiment été très bon prêté en deuxième partie de saison, c'est Bamba, qui est reparti à Saint-Etienne, que le SCO a bien aimé garder. Mais malheureusement, Saint-Etienne n'est pas vraiment prêt à le laisser partir. Donc voilà. Il y a tout un secteur offensif à refaire à Angers, parce que c'était des joueurs qui ont beaucoup marqué de buts, notamment en deuxième partie de saison. Et ben voilà, il y a eu des arrivées. Alors vous avez cité Crivelli, qui est un peu la tête d'affiche du recrutement en juin. Hein. C'est le record en termes de transfert dans l'histoire du club. Alors ça n'a jamais été un club très dépensier, mais là ils s'y mettent parce que tout le monde s'y met. Et voilà, donc il y a Crivelli, Guillaume qui est arrivé de Lille aussi, enfin voilà, toujours des joueurs à révéler qui viennent un peu de Ligue 2, qui sont jeunes et qui sont à potentiel. Le club d'Angers a réussi depuis pas mal de saisons à faire confiance et à les mettre dans des dispositions, ces joueurs-là, pour les révéler. Donc voilà, il va falloir qu'ils réussissent ça encore cette saison pour se mettre à niveau. Et voilà, il y a eu 7 recrues en tout, pas toutes très connues. Fulgini aussi, je me demande si Bordeaux s'y intéressait pas un moment. Oui, Bordeaux est latéral, oui. Voilà, c'est ça, alors qui est plutôt milieu en fait, hein, milieu. Là il est plutôt utilisé, c'est comme ça qu'il devrait jouer d'ailleurs dimanche sur l'aile droite, mais au milieu. Bon, c'est un joueur technique qui est plus capable de jouer dans le cœur du jeu ou en numéro 10, mais qui est aussi effectivement latéral de formation. C'est un joueur technique assez polyvalent. Voilà, il y a d'autres jeunes, un joueur qui était à Bastia aussi, Koulibaly, qui a trouvé sa place, un peu à la place de Ndoye dans leur milieu à 3, là, à droite, donc plutôt côté piston. Et qui est un joueur différent, moins grand, mais plus technique, qui a beaucoup de volume aussi, qui court beaucoup. Voilà, tout ne va pas être révolutionné avec le départ de Ndoye à Angers. Ils vont quand même, ça va rester une équipe qui est généreuse, qui court beaucoup, qui défend bien, qui essaie d'imposer quand même de la dimension athlétique à l'adversaire. Il va falloir un petit peu de temps pour que ça prenne, comme toutes les équipes qui changent quand même quelques joueurs titulaires. Mais pour l'instant, sur les matchs amicaux, ils arrivent à faire quelque chose de correct et avant tout de costaud, quoi. Ils prennent très peu de buts pour l'instant. Qu'est-ce que ça a donné Angers en préparation? Parce qu'on sait que l'entraîneur Moulin est quand même un entraîneur à la réputation assez. Ça verrouille pas mal le jeu. Est-ce que justement, avec ses départs, il y a une volonté de changer un petit peu de style de jeu du côté d'Angers? Alors, oui non. Alors, pour répondre à la première question, ce que ça a donné, ils ont fait des premiers matchs qui n'étaient pas vraiment notables parce qu'ils étaient en pleine préparation, mais c'est pareil dans tous les clubs. Donc ils étaient fatigués, ils n'ont pas été très bons. Ils ont fait match nul le premier, ils ont perdu le second, et puis ils ont gagné les quatre derniers. Alors le premier contre Tours était pas. Bah, c'était pareil, ils étaient en pleine préparation. Ensuite, ils sont partis en stage au Portugal. Ils ont battu deux fois des équipes portugaises là-bas. Braga, Rio Ave. Et ils ont battu Caen pour le dernier match amical samedi dernier. En prenant pas de but, en étant très rigoureux. Enfin voilà, ils s'attachent vraiment à ça, à retrouver un peu ce qui se faisait surtout la première saison. Parce que l'an dernier, ils ont encaissé plus de buts. C'était un peu cyclique, Angers. Mais la première saison, c'était vraiment très costaud. Bon, la défense a pas tellement changé. Donc on sent qu'ils ont des repères. Par rapport à beaucoup d'équipes, c'est quand même un avantage. Donc, c'est sûr que quand une attaque est à reconstruire, surtout quand on est une équipe qui joue le bas de tableau, enfin, en tout cas, ça survit, on s'attache surtout à pas prendre de but. Donc, je pense qu'ils vont partir là-dessus au départ, essayer vraiment de bien imprégner ces principes-là, défensifs. Ça a l'air d'être le cas, y compris pour les nouveaux. Et ensuite, ils vont essayer de développer un peu les relations offensives, mais tout ça prend un peu plus de temps. Ceci dit, ils avaient réussi à trouver des choses en fin de saison dernière avec des petits ajustements au niveau offensif, notamment le positionnement des ailiers, qui faisait qu'ils étaient un peu plus imprévisibles, parce qu'on les présentait quand même comme une équipe très prévisible la première saison. Et ça les a ça les a fait un petit peu progresser. Alors il va falloir le faire avec de nouveaux joueurs. Mais il n'y a rien d'interdit. Il y a Toko Ekambi qui est resté quand même. Donc il faudra voir jusqu'à la fin du mercato. Mais c'est un joueur qui est important, qui a quand même une bonne cote et qui est déjà, bon, qui a qu'une saison de Ligue 1 derrière lui, mais qui est confirmé, qui a fait une bonne saison. Donc c'est sûr que s'il lui reste avec un joueur comme Crivelli, qui est quand même aussi confirmé à ce niveau-là, offensivement, ils ont de quoi exister, quoi. Et justement, Crivelli étant absent dimanche, étant suspendu, est-ce qu'il y a d'autres absents à compter du côté du SCO pour le match de dimanche? Il y a quelques absents. Ils sont pas nombreux dans le groupe, donc c'est un groupe qui a été restreint un peu cette intersaison. Et là, pour l'instant, ils sont plutôt 18. Les autres absents, donc il y a un attaquant qui est arrivé de Paris, Kanga, qui est blessé. Il y a le latéral Bamba, donc pas celui qui est reparti à Saint-Etienne, mais l'autre Abdoulaye, qui est blessé aussi, donc il ne sera pas là. Et pour ne pas en oublier un autre, il y a une incertitude sur Puyot et sur 6. Voilà, 6 qui est arrivé de Valenciennes et Puyot qui est arrivé de Nancy. Ce sont deux joueurs milieu et latéral pour 6. Qui sont deux joueurs qui sont arrivés, mais sans avoir vraiment fait de préparation, c'est les deux dernières recrues. Donc ils sont pas encore vraiment opérationnels, mais sans doute que l'un des deux sera sur le banc. Voilà. C'est un groupe assez restreint, mais pour l'instant, ils ont réussi à amener à une bonne forme physique et un bon niveau de jeu l'équipe qui se dégage pour être titulaire. Donc là, de ce point de vue-là, il n'y a pas d'absent notable pour l'instant, quoi. Voilà, à part Crivelli, évidemment. Monsieur Crozon, les saisons passées, Angers était très très fort sur les coups de pied arrêtés. Ouais. Cette année, avec le départ de Ndoye et puis de Diédou, c'était quand même deux points d'ancrage, notamment sur coup de pied arrêté, où ils étaient très forts. Ouais. Bordeaux a eu beaucoup de difficultés hier. Enfin, c'est ce qui est ressorti pour ma part, en plus du jeu en vitesse, mais c'est sûr aussi des lacunes sur les coups de pied arrêté. Ouais. Est-ce que c'est un des principaux dangers? Danger, tiens, justement, c'est j'ai pas fait exprès, mais, bon. Mais non, j'ai pas fait exprès. Mais est-ce que c'est peut-être le point fort d'Angers encore? Alors évidemment, sans Ndoye, c'est la vie est toujours un peu différente. Mais Guillaume, c'est un bon joueur de tête, il me semble, non? Qui ça? Baptiste Guillaume. Ouais, c'est un joueur qui est grand, donc il y a toujours de la taille à Angers. Romain Thomas est toujours là. Bon, ils ont Pavlovic qui joue pas, mais qui est quand même aussi une espèce de tige qui est capable de marquer des buts de la tête. Bon, il sera sur le banc. Il y a un joueur comme Koulibaly, donc qui remplace un peu Ndoye dans le système de jeu, qui est pas grand, mais qui a marqué sur coup de pied arrêté de la tête et qui a vraiment un bon timing et qui est assez surprenant. Un peu comme l'était Jean de Macoun, si vous vous souvenez. Très bien. Voilà, donc il y a des joueurs comme ça qui, malgré une taille modeste, sont capables de marquer des buts de la tête. Ils ont aussi, les coups de pied arrêtés, c'est pas que les receveurs, c'est aussi les tireurs. Ils ont des bons tireurs. Fulgini en est un, Mangani évidemment. Il y a toujours, une attention particulière portée à ça parce qu'ils savent que ils ne pourront pas toujours s'en sortir par des phases de jeu ou imposer de la possession à l'adversaire. Donc c'est quelque chose qui travaille. C'est devenu un peu naturel chez eux. Alors évidemment, sans Endoy, ce sera moins facile, mais ça reste un domaine dans lequel ils peuvent se montrer performants. En match amicaux, ils ont marqué une fois ou deux, je crois, sur coup de pied arrêté. Donc c'est quelque chose qui n'a pas disparu. J'ai une question pour vous. Dans la mesure où j'aurais eu un avis tout autre il y a 24 heures si Bordeaux se qualifiait. Sur ce match-là, on joue quand même l'une de nos plus grosses bêtes noires. Oui. Même si elle a quand même beaucoup changé, même si c'est peut-être plus les monstres physiques que ça pouvait être avant, ça reste quand même une équipe physiquement très forte, dans la taille, dans l'impact. Bordeaux, sur ce mercato, s'est plutôt affaibli sur ce point-là, avec Toulalan qui est descendu en défense centrale. On a perdu en taille, on a perdu en présence physique, je veux dire en muscle. Si on avait été sur la dynamique d'une qualification, j'aurais dit Bordeaux fera la différence sur le jeu. Là, quand je mets les informations d'Angers, le fait que ça soit une bête noire et le résultat de ce jeudi, je me dis plutôt que ça va ressembler à un carnage cette histoire et que Angers risque d'enterrer un petit peu le début de saison des Girondins de Bordeaux. Est-ce que vous me trouvez dur ou est-ce que vous pensez que c'est possible? Angers physiquement est au point par rapport à une équipe qui est en préparation. Donc eux n'ont pas encore fait de match officiel. Donc évidemment ils ont un tout petit peu de retard théoriquement par rapport à Bordeaux. Mais ils sont globalement au point. Leur dernier match amical était bon. Dans l'engagement ils sont là. Ils savent que c'est important pour eux. De ce que j'ai vu du match de Bordeaux hier, une petite parenthèse d'ailleurs, Stéphane Moulin nous en a parlé cet après-midi, mais il n'a pas voulu en parler, il a dit que ça ressemblait pas du tout à Bordeaux et qu'il ne s'attendait pas à ça du tout et que lui prenait plutôt comme référence le match aller. Donc il considère que c'était un accident et je pense qu'il prépare ses joueurs à ce que ce ne soit pas du tout la même chose. Il a sans doute raison. Parce qu'après une défaite et une forme d'humiliation comme ça, il y a forcément une réaction. Donc je pense que Bordeaux ait été éliminé, c'est pas forcément à l'avantage d'Angers sur ce match-là, parce qu'il y aura forcément une réaction, au moins dans l'engagement, et que ça risque de niveler un peu les valeurs sur un terrain où Angers pouvait espérer peut-être surprendre un peu Bordeaux. Et maintenant, j'ai constaté, du peu que j'ai vu de ce match d'un œil hier en Hongrie, que notamment le début de match, Vidéoton a mis une grosse pression et est venu chercher les Bordelais, qui ont semblé surpris. Alors c'est étonnant, mais en tout cas ils ont pas eu l'air d'avoir aimé ça du tout. Bordeaux a pris le match par-dessus la jambe, c'est un peu sous-estimé de Vidéoton, ne serait-ce que de voir Plasil en tant que récupérateur pur. Ça donnait quand même une idée de ce que Bordeaux pensait faire du ballon et comment Bordeaux pensait le récupérer. En tout cas, sur la première partie du match, c'est clair qu'ils ont été totalement dominés. Sur toutes les parties du match, du moment que Vidéoton a arrêté de jouer parce qu'ils se sont retrouvés à 11 contre 10. Sinon, ils ont été vraiment secoués. Et je pense que Angers, sans être encore vraiment au point collectivement, notamment devant, est déjà capable d'imposer ce genre de choses. Mais à mon avis, ils le savent, les Bordelais. Ils ne sont pas fous, ils viennent déjà de se prendre une gifle et ils savent où ils vont. Donc à mon avis, ils le savent. Donc, je pense que dans la composition, il en tiendra compte, Gourvennec. Maintenant, s'ils sont surpris une deuxième fois là-dessus, c'est plus que c'est un jour sans, c'est que c'est une vraie lacune. Donc là, au moins, vous serez fixé là-dessus. Maintenant, je pense que Bordeaux arrivera un peu échaudé à Angers et qu'il y aura du répondant, quoi. Moi, c'est plus comme ça que je le vois. Alors, mais bon, je suis peut-être moins bien placé que vous pour le voir aussi. Je ne sais pas exactement comment se comporte cette équipe, mais j'ai quand même le sentiment qu'ils sont capables de faire mieux que ce qu'ils ont fait hier dans l'engagement. D'un point de vue plus global, vraiment, si on prend un peu plus de hauteur concernant le SCO, quels sont les objectifs qui ont été fixés par la direction pour la saison à venir pour le SCO? Le maintien avec, avec le budget qu'ils ont et aussi ce qui est en train de devenir la Ligue 1. Ils savent qu'il y a quand même des équipes qui sont intouchables et des équipes qui sont plus forte qu'eux, pour donner les deux premières catégories. Et puis ensuite, voilà, il y a quelques équipes qui sont de leur catégorie à eux, contre lesquelles il faudra se battre. C'était déjà un peu le cas l'an dernier, ça va l'être sans doute plus encore cette saison. Donc c'est le maintien, c'est rester là. La politique du club, c'est d'essayer de rester là 5 ans, parce que vous savez qu'au bout de 5 ans, les revenus sont plus les mêmes. Il y a une forme de prime d'ancienneté. Voilà. En tout cas, ça se déclenche au bout de 5 ans. Donc le SCO a envie de rester 5 ans pour changer un peu là de statut. De statut, tout en sachant qu'il y a peu de chances que dans les 10-15 prochaines années, ils puissent rivaliser avec les équipes européennes. Ils ont pris trop de retard depuis. Mais est-ce qu'ils peuvent ambitionner de viser mieux que la 12e place de la saison passée? Ça dépendra comment ça se passe, mais ils partent pas dans cette idée-là. Leur idée, si on leur dit 17e, ils signent tout de suite. D'accord. Ils sont pas fous, hein. Ils savent très bien ce que ça va leur coûter, qu'il faut des défaillances des autres aussi, et que tout ne dépend pas d'eux, quoi. Maintenant, c'est une équipe qui aime surprendre quand même, et une fois qu'ils arrivent à enclencher le truc, la plupart du temps, ils arrivent quand même à surprendre un peu. Donc, on n'est jamais à l'abri de faire mieux que ce que eux espèrent au départ. Maintenant, c'est clair que 9e leur première saison et 12e l'année dernière, c'était des belles saisons pour le SCO. Il faut pas l'oublier. Ça n'a pas changé parce que c'est la troisième année et qu'ils ont commencé à faire quelques investissements sur des joueurs. Tout n'a pas changé non plus. Adrien. Au niveau du jeu Angers, on sait que l'an dernier, ils avaient connu un début de saison un peu plus difficile, alors qu'ils, justement, avaient changé un peu de style et faisaient beaucoup plus de jeux. Ouais. Est-ce que là, sur la préparation, on se rapproche toujours dans cette idée de progression dans le jeu et de même peut-être prendre un peu plus de risques, ou on reste sur des bases solides, voilà? Bah, comme je l'expliquais tout à l'heure, pour l'instant, c'est des bases solides. Après, les joueurs qu'ils ont recrutés, notamment Koulibaly et Fulgini, ça apporte une touche technique. Donc je pense que dans la possession, la maîtrise du ballon, ils veulent essayer de faire mieux. Pour être clair, avec Ndoye l'an dernier, c'était pas possible. Parce que c'était pas un joueur vraiment de ballon, c'était plus un joueur de tête et d'impact. Et que ça servait à rien, c'était mal l'utiliser que d'essayer de faire du jeu en triangle au milieu, même s'ils étaient trois. Maintenant qu'ils ont des joueurs dans un autre profil, ils vont essayer de les utiliser selon leur qualité, et sans doute que il y aura un peu plus de redoublement de passes, de choses comme ça. Ça dépend des joueurs qu'ils ont. Stéphane Moulin n'est pas un entraîneur figé, en tout cas c'est pas ce qu'on a vu depuis 2 ans, sur une philosophie de jeu très défensive ou très minimaliste. Il fait aussi avec les joueurs qu'il a, et voilà, selon la formule qu'il juge, lui, la plus efficace. Il y a 2 ans, c'était le SCO sortait assez peu. Mais par contre, ils savaient très bien, sur coup de pied arrêté, ils inspiraient de la crainte à tout le monde, et ils ont gagné des matchs comme ça. Ils n'allaient pas en changer, parce que aussi devant, ils n'avaient pas beaucoup d'attaquants à ce niveau-là. En tout cas, niveau Ligue 1 confirmé. L'an dernier, ils avaient déjà un petit peu plus de matériel devant. Ils ont marqué autant de buts que la saison précédente, mais ils ont créé beaucoup plus d'occasions. Hein. C'était vraiment un défaut d'efficacité. Là, ils vont essayer, sans doute, avec un joueur comme Crivelli, qui est peut-être un peu plus efficace que ne l'était Diédiou, de faire un peu la synthèse des deux, quoi. De trouver l'équilibre entre une bonne défense, quelque chose de solide, et puis un jeu, je vais pas dire plus ambitieux, mais plus varié, on va dire ça, voilà. Je pense qu'ils veulent essayer de varier, de surprendre, et de pas habituer non plus les adversaires à un seul style de jeu, parce qu'ils ont bien vu aussi, au bout de leur première saison, qu'une fois qu'ils étaient ciblés, c'était quand même plus compliqué pour eux d'aller marquer des buts. Donc il y aura des évolutions, mais ça va pas non plus changer fondamentalement les choses. Ils vont pas se mettre à jouer comme s'ils avaient l'effectif de Lille avec Bielsa, ou essayer des innovations très très très surprenantes, ils vont quand même rester sur des choses qu'ils maîtrisent, aussi parce que leur base défensive reste la même, donc ils n'ont pas intérêt à trop changer ça. On va conclure sur un petit prono. Donc nous, on a posé la question sur Twitter: ce match contre une de nos bêtes noires, ça va donner? Donc, vous pourrez ajouter des réponses, parce qu'on n'a pas marqué tout non plus. On avait proposé un réveil bordelais, un carnage et une défaite, ou un match tout pourri. Pour vous, ça va donner quoi, ce match, un petit prono? Ouais, je dirais un match nul. Alors, il sera peut-être pourri, c'est possible, mais moi, je dirais un match nul, parce que je pense que Bordeaux va venir pour quand même, je ne vais pas dire stopper l'hémorragie, il n'y a pas une série très mauvaise, mais en tout cas, calmer un peu là, le début de tempête. Et que Angers va vouloir bien démarrer sa saison. Ils savent aussi que l'an dernier, ils ont commencé par 3 défaites. Je pense qu'ils n'ont pas envie de se retrouver à 0 points fin août. et qu'ils vont aborder ce premier match avec l'envie déjà de débloquer un peu le compteur. Donc, moi, je vois un match nul, mais je suis toujours extrêmement mauvais en pronostic, donc surtout ne m'écoutez pas. Ok. Je sais pas si c'est mais 53% des votants ont répondu à un match tout pourri. Ah ben voilà. 28% un réveil bordelais et 19% un carnage et une défaite. Ouais. Eh ben ils sont optimistes finalement, c'est pas si mal. Ah, oui. Regarde, un match tout pourri match optimiste. Ouais, ben ça fait un point un match tout pourri donc. Un point à l'extérieur. Un point à l'extérieur, ouais. Vous n'allez pas nous là, vous n'allez pas nous consoler. Hein, avec ça. Le point de mettre, c'est la défaite de Lyon, ça fera 2 points à la fin du mois, c'est très bien. Voilà, c'est ça. Mais bon, le foot est surprenant parfois, il ne faut pas regarder trop loin devant. Mais moi, c'est ça qui me fait peur. Oui, mais c'est ça. Dans ce cas-là, il ne faut pas regarder trop devant pour ne pas avoir trop peur. On vous remercie, monsieur Crozon. Pas de problème. Passez une bonne soirée, et puis à lundi, si vous voulez débriefer avec nous, ce super match pourri, alors. Et avec joie, si je peux, je le ferai avec plaisir. Au revoir, merci. Bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Croison. Au revoir. Donc, très sympa, oui. Et très bavard, notre cher journaliste. On va accueillir Snakil, qui est arrivé dans les studios. Bonjour, Snakil. Au cours de l'interview. Bonjour à tous. J'ai bien trouvé la sortie. C'est... Ça va. Bon, auteur d'une superbe vidéo aujourd'hui, donc vous pouvez voir. Je l'ai pas encore vu, mais la spoilez pas, s'il vous plaît. Voilà, t'as un petit hommage à Katsumi qui est pas mal. Mais... Je voulais pas la faire en plus. Hein. Quand j'ai fini le match, j'avais pas envie de la faire. J'ai envie d'aller dormir, et puis je me suis dit. Oh, pff, t'as eu envie de dormir après le match? Ah oui. Oui, oui. Ah, j'étais dégoûté, je me suis dit si jamais je vais au lit maintenant, c'est mort. Ouais. Franchement, je pense qu'au niveau dégoût, on a. Pourtant, au final, on va en parler, mais. On perd que 1-0, des défaites 1-0 avec des matchs pourris, on en fait des caisses par saison. Le problème, c'est que c'est une élimination sur quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur et qui tenait tout le monde à cœur. Si t'as un match à citer au mois d'août, c'est celui-là, il faut pas perdre. Voilà. C'est juste celui-là. Mais c'est tout. Le dernier fois, j'ai. Et éventuellement, le match de barrage qui. La dernière fois, j'étais aussi atteint, ça remonte genre en 2002-2003, Bordeaux-Auxerre, où on est à Auxerre, où on prend 5-0 avec Cissé et Giroud. C'est, je crois que ça m'avait niqué ma soirée, mais entièrement. Ouais. Je crois que même les 5-0, 4-0 et compagnie, toute la saison Sagnol, j'étais préparé. Là, j'y étais pas préparé. Il y en a qui veulent voir les fesses, apparemment. Bon, ouais, sur le chat, alors sur le chat, c'est en mode n'importe quoi, faut quand même avouer. Bon, on va quand même vous donner le programme parce qu'on a vu. On va parler d'Angers, l'équipe que préfère Snakil. On l'a invité juste pour ça. On n'a pas pu parler, j'ai pas pu donner le programme, je voulais vite qu'on puisse avoir notre invité. Donc ce soir, on va parler du petit retour à la réalité, la Ligue 1, la première journée de Ligue 1, Angers, enfin à l'extérieur, tout pour que ça soit un bon retour en fait. Hein. Donc on a la question que vous vous a donnée tout à l'heure avec le carnage de la bête noire et compagnie. Mais la question qu'on va se poser, c'est quand même de savoir est-ce que Bordeaux va réussir à relever la tête. Est-ce qu'on aurait gagné face aux Estoniens, vous pensez? Et surtout... La question qu'on va se poser, c'est quels sont les choix que Gourvennec ne doit pas faire, hein, puisque on en parlera tout à l'heure, je ne vais pas vous spoiler la suite, mais quand j'ai écrit le programme, j'étais un peu vénère. Bon, pour vous, est-ce que Bordeaux est capable de se relever de ce qui s'est passé? On va parler très très sommairement d'Angers, parce, oui, parce que tout le monde s'en fout. Mais si tu veux, comme on a Dexter qui va nous appeler en premier, qu'il est 21h33, je préfère qu'on aille jusqu'à 50, on fait la pause, on revient à 22h, on part à minuit. Mais au moins, on va pas faire 10 minutes avec une coupure, etc. On fera peut-être un petit tour de table avant la pause. Juste un petit tour de table, et puis après, on va commencer à dire ce qu'on dit par rapport à Vidéoton. Et puis après, on fera une libre antenne, et bien en laissant libre cours aux auditeurs de pouvoir dire ce qu'ils ressentent. Parce que clairement, ça. Sachant qu'on a mis sur Twitter en milieu d'après-midi plein de, en début d'après-midi plein de sondages que je redirai tout à l'heure, mais voilà. Allez y répondre, vous avez un article qui a été publié sur Angers. Facebook, sur Angers, on va faire très très simple pour ma part. J'ai une grosse crainte qui se trouve, c'est le coup de pied arrêté. Donc quand je vois l'état des duels, la capacité des Girondins hier à gagner des duels hier face à Vidéotron, j'ai très très peur contre Angers. Match nul, ça serait très très bon pour nous. Parce que toi, il n'y a que ça qui te fait peur. Non, il y a plein de choses. Je veux dire, après ce que j'ai vu hier, je me dis, je ne sais même pas si on est armé pour jouer ce match, carrément. Ah ben non, mais pour moi. Ça, plus le psychologique derrière. Demain, j'ai un billet de 10 euros à mettre à parier sur le match. Je l'ai mis sur Angers, clairement. Mais après, côté positif me fait dire qu'un match nul, je prends. La cote est largement favorable à Angers, hein, d'ailleurs, sur ce match-là, sur les côtés match. Donc, voilà. On est à 2,90 pour Angers et 3,50 pour Bordeaux. Non, mais moi, il faut que j'apporte le côté positif. Qu'est-ce qu'il va y avoir de positif? Il y a le retour d'Aaron Barry et de Lerager. Oui, oui. Ah, finalement, c'est Lerager est remis de sa grippe internationale. C'était ça hier soir. Il n'y a plus à dire, c'est bon. Non, c'est... Le joueur m'a dit ça. Non, je rigole. Il allait bien à l'entraînement, en tout cas. Il courait naturellement. Il n'est pas parti en courant. Non, sinon, on a un retour d'un milieu un peu plus physique, Vada et Plasil, par rapport à hier. Donc, peut-être que dans l'impact, ça sera différent. Après, est-ce qu'il y aura des ajustements par rapport à la défense, qui hier a été complètement ridicule. Donc voilà, c'est les questions, mais il y a de quoi pouvoir avoir de nouveau une certaine maîtrise avec Aaron Barry et les Ragnars. Eh bien, moi, la plus grosse incertitude que j'ai et la plus grosse crainte que j'ai, c'est on a fait quand même, je crois, 5 matchs de préparation, enfin avec Vidéoton, l'aller voilà, et le retour. Et on arrive au match retour et on pensait avoir des certitudes, on pensait avoir un 11 qui se dégageait, on jouait avec à peu près les mêmes joueurs, un joueur ou deux joueurs près. Et hier, on a eu droit à un festival de... Bah, de hier, si tu commences à nous... Non, mais c'est pour dire que, du coup, on pouvait aborder le match d'Angers avec un peu plus de sérénité, malgré le fait que ce soit une bête noire et qu'on n'ait qu'une victoire en 9 confrontations. Moi, du coup, avec le match d'hier, j'ai complètement... je sais pas sur quel pied danser, je sais pas quel 6 va être aligné, je sais pas quelle charnière va être alignée, je sais pas quelle arrière-gauche va être alignée. Passons à la question de suite. Qu'est-ce que Gouvenec ne doit pas faire? On n'accorde pas de Plasil en 6. Pas de Plasil en 6, pas de Gagic à gauche. Pas de Gagic à gauche. Tu fais... Jovanovic, il va falloir le tenter, même s'il a une préparation. Alors, simple. Aujourd'hui, en milieu récupérateur, on a Aaron Barry, Toulalan. Est-ce que Toulalan doit se repositionner aussi sur ce match? Pour moi, quand un joueur fait une saison, une deuxième partie de saison excellente de janvier à mai en tant que milieu défensif devant la défense, pourquoi le faire descendre, quoi? Le mec, il fonctionne bien. Moi, on m'a toujours dit, si ça fonctionne, pourquoi changer? Donc, moi je suis pas d'accord. Moi je laisserai Toulalan dans l'axe avec Jovanovic. Surtout avec le match qu'il a fait hier, Toulalan je le laisse pas derrière. Est-ce que tu as vu le 21 comment il lui a mis la misère tout le long du match? Mais ouais, mais bon, avec un joueur un peu plus physique à côté de Toulalan, peut-être que ça passe. Igor Levtchouk, il est physique, je suis désolé. Igor Levtchouk, c'est sûrement le seul joueur en France qui va pas plus vite que Toulalan. Non, mais il est physique. Donc ça tient pas la route. Toulalan, il va se retrouver avec des anti tous les week-ends dans Ligue 1. Il va se retrouver avec des anti tous les week-ends en Ligue 1 et il va prendre les tempêtes tous les week-ends en Ligue 1. Toulalan, il est temps de le faire remonter d'un cran à son vrai poste, c'est-à-dire 6. Mais il a pas de et repère. Qu'on recrute pas un 6, mais qu'on recrute un défenseur central. Balancez pas le programme de tout à l'heure, s'il vous plaît. À l'heure d'aujourd'hui, moi, contre Angers, je mets Aaron Barry en 6. Et oui, pas Toulalan ou qui vous voulez, je remets Aaron Barry en 6. C'est plus simple. Est-ce qu'on remet la même équipe qui a joué contre Vidéoton au match aller? Ou est-ce que vous faites, même dans cette compo-là, vous faites des changements? Parce que moi, je mets Jovanovic parce que j'ai envie de voir Jovanovic. Parce que je pense que c'est peut-être notre seul arrière, notre défenseur moderne, on va dire. C'est peut-être notre seul défenseur central moderne, on va dire, qui est capable de sauter, courir, défendre, avoir une petite relance. Alors, j'ai dit petite, parce que c'est pas non plus Cannavaro. Mais on va déjà mettre ça à droite, donc on garde Sabali. Je vais vous surprendre, mais je mets Contento. Oh non. Mais Pelnar, essayons Pelnar à gauche, bordel. Mais non, mais Pelnar, il est là pour faire 4ème défenseur. Non, mais arrêtons, il va jamais jouer 4ème défenseur. Il y a un mec, tu veux pas faire jouer Contento, tu fais pas confiance à Pungé, il est blessé, tu fais jouer Pelnar, merde. Je veux bien, mais même Pungé, il est pas blessé, il joue, il s'entraîne aujourd'hui. Donc non, mais je mets Contento ou Pungé, je m'en fous, vous mettez un arrière gauche mais qui a un pied gauche, qui est pas obligé pour jouer de faire un demi-tour sur lui pour trouver ses copains. Il a l'habitude de se retrouver avec la ligne à gauche. Donc du coup, le milieu, moi je mettrais Aaron Barry, Le Raguer et Sankaré, je change pas, et je tente un coup parce que Camano, j'en peux plus, je tenterai Thomas Touré. Ouais, Touré, entrée, ouais. Touré, Malcom et Laborde. Alors, est-ce que... Vas-y, Snack, je vais t'en dire. Non, moi, je pense qu'il faudrait... Enfin, j'étais au Vatican pendant mes vacances, là. Et j'ai acheté des chapelets, tu vois. Donc, du coup, je pense qu'il faudrait donner tous les chapelets à Contento si on le fait jouer. Voilà, peut-être que ça lui portera chance. Mais là, honnêtement, je pense que là, le côté chance, on l'a épuisé. Donc, moi, je serais plutôt d'accord avec toi. Je mettrais plutôt Toulalan au milieu de terrain. Je veux bien, hein, Contento, il va encore prendre ce soir, il a pas bien joué, mais comme tout le monde, il a pris, hein. Pas, il y a quelqu'un, il a été obsédé par lui. Non, mais moi, ça m'énerve. Il a été mauvais comme tout le monde, mais moi, je suis désolé. Un des joueurs qui avait le plus envie sur le terrain en seconde partie, en seconde mi-temps, c'était Contento. C'était Alexandre Mendy. Et Alexandre Mendy, non, mais franchement, peut-être les deux plus nuls sur la pelouse, c'est ceux qui étaient les meilleurs. Moi, j'aurais aimé que tout le monde ait la même envie que Contento, on serait sûrement passé. Après, par contre, tu vois, moi, je dis pas qu'il avait pas envie. Il a envie, mais le truc, c'est enfin, voilà, il est nul. Enfin, c'est ça le problème, c'est qu'il a envie, mais est-ce qu'il a mais est-ce que réellement Pungé est meilleur? Bah non, c'est ça le pire. Là, c'est le recrutement après. On en parlera. Il joue aussi peut-être parce qu'il doit avoir dans sa clause des nombres de matchs à faire par an, parce que chaque fois il revient. Non, mais par contre, moi je pense que je serais plutôt d'avis de laisser tout la longue du terrain. Qui a fait venir Contento? Il faut laisser tout la longue du terrain. On verra de ce qu'on dira de Mendy, de certains choix de Gouvelet quand il les fera. Mais quand on parle de nombre de matchs dans le contrat, peut-être que ça a été négocié. Ça, on peut pas savoir. Non, mais j'en sais rien. Mais il y avait un vrai débat sur tout la longue en 6 ou pas. Il y a un débat qui est pour la deuxième heure qu'on aura. Sérieusement, si on peut faire un enchaînement. Vous voyez Gourvenec 48 heures après une claque changer complètement son il a déjà fait en fait. Moi je pense pas. Je me souviens l'année dernière où on était en 4-4-2, ça marchait très bien et du jour au lendemain on joue Paris, il change tout. Non mais justement et puis on se rappelle comment ça s'est passé. Je pense que Gourvenec je pense qu'il a fait des erreurs dans sa composition face à Vidéoton, mais il changera à la marge. Je pense pas que l'idée d'installer Toulala en défense centrale, malheureusement pour moi il l'a et il en changera pas. Je pense que voilà, à la limite ça peut jouer sur le Levchuk ou Jovanovic. Je pense que la bêtise Plazil en milieu défensif, je pense que ça ne se reproduira pas. Et Gaïjic arrière gauche, ça ne changera pas. C'est peut-être ces deux changements, c'est seulement ces deux changements là qui pourraient intervenir face à Angers. Alors Arambari, oui, pourquoi pas, mais c'est le seul qu'on ait de toute façon à ce poste là. Si c'est pour faire descendre Sankaré, ça sert à rien. Donc je pense que si on doit vraiment faire des changements, ça va se situer là, avec peut-être inclure Thomas Touré dans la dynamique devant, parce qu'effectivement Camano aujourd'hui c'est un système, enfin les joueurs de Vidéoton preuve qu'ils ont même la vidéo là-bas, c'est qu'ils ont analysé le jeu, c'est-à-dire que Camano il a fait ce qu'il a fait pendant 6 mois, il a tenté la même chose systématiquement, les mêmes passements de jambes, les mêmes gestes techniques. Bon, il n'était pas soutenu de son côté aussi, mais c'est un joueur aujourd'hui il faut qu'il apprenne à se renouveler dans son jeu. Et je pense que Thomas Touré justement est une alternative. Alors après on peut critiquer ou pas le niveau de Thomas Touré, mais ça reste la solution pour l'instant qu'on a dans notre effectif. Mais moi je vais vous surprendre, je prends les mêmes qu'on jouait contre Vidéoton, à la différence du milieu défensif, parce que le pauvre Plazil, je considère qu'il y est pour rien dans son match raté. Et je remets les mêmes. Il a raté son match. Il a raté dans son match. Mais... et je veux dire, on l'a pas du tout mis dans les conditions pour qu'il réussisse. Quand tu fais jouer, enfin, prends Costil. Il y a déjà eu l'an dernier, il y a déjà eu le milieu Vada, Plazil, Sankari, fait juste qu'ils s'entendent les trois. Mais au bout d'un moment, il y a jamais eu Vada. Si. Mais je te promets, regarde les matchs. Mais sur des fins de match. En 2017, il y a jamais eu Sankari, Vada, Plazil. Sur des fins de match, ça jamais. Jamais. Le seul match où il y a eu, c'était Sankari qui était en 10. Parce que Sankaré était pas là avant. Voilà. Je suis même pas sûr qu'il y ait eu. Alors, les mecs, arrêtez, vous avez touché au truc, on n'entend plus rien dans le micro. Voilà. Vas-y, parle. Non, ça marche plus. Bon. Si, ça y est. Donc, je suis même pas sûr Sankaré, que ça ait jamais... La dernière fois où on s'est passé tout là, c'était Monaco, c'était Sankaré qui était en 6. Donc, arrive un moment, Plazil n'a jamais joué milieu défensif de sa vie. Donc, arrive un moment, si tu prends Costil et que tu le fais jouer arrière droit et qu'il fait un match de merde, c'est pas la faute de Costil, c'est la faute, c'est ta faute parce que tu fais n'importe quoi. Donc, arrive un moment, je mets les mêmes parce que je considère que la merde dans laquelle ils y sont, ils y sont tous foutus, mais Gourvenec aussi. Donc, arrive un moment, j'ai envie de dire à Gourvenec, tu as des couilles, tu assumes 5 minutes. Je suis mécontent, toi, arrière droit. Non, mais arrive un moment, il faut juste. C'est extrême ce que je dis, mais dans le sens où c'est trop simple. C'est trop simple. Oui, mais tu fais comment aux joueurs qui sont sur le banc et qui disent ils font un mauvais match et ils continuent après. J'exagère. Je vais y arriver, putain. Calme-toi. Je fais exprès. Je ferai pas cette compo. Moi, personnellement, je ne ferai pas cette compo. Mais je veux dire, à un moment, t'as voulu être con dans ta bêtise, mais tu vas être jusqu'au bout. Parce que je considère que si tu changes tout demain, ça veut dire que t'as pas pris 5 minutes à réfléchir. Parce que je me souviens des matchs qu'on a vus d'Angers. Je me souviens du seul match que j'ai vu de Vidéoton. Pour moi, Vidéoton, c'est meilleur qu'Angers. Donc, Ah bah écoutez, je suis pas sûr. Vidéoton, techniquement, c'est meilleur qu'Angers. Je suis pas sûr, je suis pas du tout sûr. Moi je rejoins Marc, je trouve que j'étais déjà agréablement surpris pour après je connaissais pas le championnat hongrois donc je mets la coupe pas mais Vidéoton m'a surpris à l'aller. Ils m'ont surpris au retour par leur qualité de jeu, par leur impact physique, par. Ils ont surtout été là physiquement. Et Angers. L'attaquant qu'ils ont pris. Alors, l'attaquant qui a joué, qui vient de Bulgarie, il est titulaire dans la moitié des équipes de France. Non, attends, il a fait deux bons matchs. Tu sais pas si sur la saison il va te faire tout. Non, mais sur ce match-là, il est titulaire dans la moitié des équipes de Ligue 1. Un petit aussi. Donc on l'achète. La semaine dernière, il avait joué, il avait pas été flamboyant. Il a pas joué, il vient d'arriver. Non, si, si, la semaine dernière, il était sur la feuille de match. Je suis pas sûr. Mais il a pas joué. Mais si, je te dis qu'il a joué. Comme qui ça? Il a joué remplaçant. Il est rentré. Après, la question, c'est, tu dis, il a pas pris de temps pour réfléchir. Non, non, je pense juste que Gourvennec et ça va peut-être le faire. Il a pensé que on était capable. Alors c'est peut-être pas prendre l'équipe de Vidéoton en disant elle est nulle et tout. Non, non, il a juste pensé que son équipe était capable de mettre le pied sur le ballon et n'avait pas besoin d'avoir. C'est-à-dire que c'est le seul entraîneur qui dans le football entier se dit sur un match je vais me passer. Franchement, Sagnol nous a fait la même chose. Je vais me passer de récupérateur, comme ça je ferai des bons équipes. Qu'est-ce qu'on a fait Marc, on parle de Vidéoton et compagnie. Ouais. Faut qu'on revienne à Angers. On a 5 minutes pour clore Angers, et puis après on passera à Vidéoton. Donc David et Thibaut, par rapport à vos compos, vous les avez donnés, c'est ça? Non, mais enfin, ouais, moi la compo, ça va être. Enfin, je donne la mienne si vous voulez. Bon, Costil, ça change pas puisqu'on a, c'est le désert derrière aussi. Sabali sur le côté droit. Moi, je pense que Jovanovic devrait rentrer avec tout l'allant. Jovanovic, je sais qu'il on sait qu'il a repris tard. Ouais, mais t'as fait jouer Gadjic alors qu'il a repris en même temps. Donc voilà. Ensuite, Contento, parce qu'il n'y a pas le choix de toute façon. Je pense qu'Arambari sera titulaire avec le Rager et le Raer, ou je sais pas comment ça se dit, et Sankaré. Et moi, je tenterai l'option Touré sur le côté avec Camano et Laborde. Et alors, est-ce que ça, c'est ce que tu penses qui va être mis en place, ou est-ce que c'est ton idée de compo que tu voudrais mettre en place? Non, je pense que c'est ce qui devrait être mis en place. D'accord. T'enlèves Malcolm, quoi. J'enlève Camano. Ah, ben parce que t'as dit Touré. Oui, non, mais Touré à la place de Camano, voilà. Sinon, je garde Malcolm et Laborde. Je pense que la charnière centrale aujourd'hui, elle est connue, c'est Toulalan, Levchouk. Voilà, je pense que dans l'esprit en début de saison, en fait, vu qu'il n'a pas repris, je pense que vraiment en recrutant Jovanovic, son plan de départ, c'est Toulalan Jovanovic. Et alors, est-ce qu'on peut pas se dire, alors après, je sais bien que le schéma tactique reste le même et qu'on a acheté des joueurs en fonction de ce 4-3-3 avec des ailiers, mais est-ce qu'on peut pas se dire que on a travaillé d'autres schémas tactiques et que en attendant que les joueurs se mettent en jambes, on passe sur un schéma qui soit peut-être différent, sur un 4-2-3-1 peut-être, avec un Laborde en pointe, avec un Malcolm à droite et un Touré à gauche, et en soutien de l'attaquant, on peut mettre un Vada ou un Sankaré ou j'en sais rien. Et derrière, la récupération, avoir un Arambari et un Sankaré, un Arambari qui joue le rôle un petit peu de 6 sur horizontalement, et puis Sankaré ou les Ragueurs qui fait la même chose en 8 de manière horizontale. Et alors, on a une défense qui serait plutôt Costil dans les cages, Sabali à droite. Jovanovic, Leksouk, malheureusement, je pense que ça va être ça, mais moi j'aurais mis Jovanovic, Leksouk ou Jovanovic Toulalan, j'en sais rien. À l'heure actuelle, à part Jovanovic, je vois pas qui pourrait assurer le rôle du deuxième défenseur central. Et alors à gauche, je serais d'avis de tenter, pourquoi pas, Pelnar, voir ce qu'il donne. Petit prono pour dimanche, pour clore. Angers ou nul. Alors c'est peut-être un peu fou ce que je vais dire, j'ai une compo bizarre, mais. Pourquoi pas? Vas-y, tente. Imaginons qu'on se dise, allez, on attend d'avoir un arrière à gauche, je sais que ça n'avait pas marché, on met Sabali à gauche, on met Gagic avec Jovanovic, puisque les deux s'entendent bien, généralement ça passait bien, avec comment il s'appelle, Jovanovic Luchuk, parce qu'on n'a pas. Tout là, on le replace en 6, avec Sankaré et Rager. Et après, tu nous fais la KLM devant. Alors, c'est une proposition, alors c'est peut-être risqué, mais. Mais c'est pas une question de risqué, c'est que je pense que. Honnêtement, nous on serait coach, c'est ce qu'on ferait peut-être naturellement. Ouais. Le gros problème qu'il va y avoir, c'est que pour moi, Gourvennec, il a des certitudes. Et bah notamment, oui, je pense que la certitude qu'il a cette année, c'est de tout l'aller en 5, on va se le manger toute l'année, je pense. Oh là ou, là. Peut-être que jusqu'à décembre pour essayer. Donc, on ne voit pas le même match. Nous c'est tous pas une question de voir le même match. Non, c'est une question, qu'il a des croyances. Il a des croyances et je pense que sa croyance tout l'aller en défense centrale, je pense qu'elle est forte. Il y a deux choses. Il y a aussi. C'est nouveau pour Toulalan et la Chou qui est aussi une complémentarité à trouver et à faire. Et c'est aussi compliqué pour une charnière centrale qui est nouvelle avec un joueur qui découvre entre guillemets le poste et d'avoir devant eux un mec qui n'est pas milieu défensif. La vitesse, ils vont jamais l'acquérir à 34. Non, mais quand tu as un milieu défensif, si tu récupères un milieu défensif qui est rapide, etc., et que de toute façon tu pars dans l'esprit de faire le jeu. Et de jouer avec un libéro et un stopper parce que tu penses jouer souvent contre des équipes à un attaquant ou avec une seule pointe, ça peut être logique. Le problème, c'est que sur ce match, on va en parler tout à l'heure, mais sur le match qu'on a tous en tête, c'est pas juste une charnière centrale qui est approximative. C'est un trident. C'est que tout est approximatif. À gauche, c'est pas un vrai arrière-gauche. Devant la défense, c'est pas un vrai défenseur. Toulalan, il est quand même entouré de pas un mec à son poste, pas un mec à son poste, et d'un mec qui parle pas très bien français, et de lui qui est pas à son poste. Demande à Toulalan, en toute sincérité, les yeux dans les yeux, on est entre nous, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de micro, quel poste il veut jouer? On lui a imposé de jouer en défense centrale. C'est Gourvenec lui a dit voilà, je veux te mettre en défense centrale. C'était pas son souhait à la base. Hein. Mais après l'an dernier, quand il a décidé d'en parler à Gourvenec que le 4-4-2 ça marchait pas avec Plazilet et tout ça, ils ont changé en 4-3-3 et c'est eux qui ont eu influencé un peu. Ouais, mais j'ai peur qu'on va pas attendre décembre encore pour changer quoi. Parce que moi, ce qui m'agace beaucoup, c'est que j'ai l'impression, tu vois, on est contre Angers. Gourvenec, il est à Bordeaux depuis un an. Et bien, en début de saison, un an après, contre Angers, premier match de la saison, tu ne sais toujours pas dans quel schéma tu dois jouer, Que c'est 4-3-3. Non, tu sais pas, parce que vous étiez en train de vous dire, bon, on a quand même fait un truc avec des idées. On hésite parce qu'on y a eu une défaite. Et on verra si dans 6 mois tout va pas changer. On sait pas avec quel joueur, quel pote. Quand un entraîneur arrive et qu'il tâtonne pendant 3-4 mois, je peux l'accepter. Qu'un entraîneur il cherche encore la meilleure formule un an après être arrivé, je l'accepte pas. Mais c'est qu'il n'y a plus de solution, je pense. Mais il y a un problème d'effectif. Il y a ça. Mais c'est faux. Bah, c'est on faux. A plus si, on a qui pour remplacer un arrière-gauche? On a deux. Mais les mêmes que l'année dernière. Mais ouais, mais c'est plus possible. L'année dernière, on a réussi à faire troisième meilleure équipe sur les phases retour avec les trois arrière-gauches en défense parce que je pense c'est la vision. Et Toulalan, il a une bonne vision du jeu. Et Kourvenec se dit, c'était tellement une bonne vision du jeu qu'il a demandé à Toulalan d'envoyer des longs parpaings à Mendy. C'est pas son poste vraiment, c'est pas ce poste où il est le meilleur. Et contre Cavani, on va s'en prendre 4. Il va se régaler quand il a pris 4. Mais alors là, avec Toulalan en défense, mais on va s'en prendre 8. Ça va être une horreur le truc. Mais après, on s'enflamme sur un match. Malheureusement, ce n'est qu'un match avec un milieu Plazil Vada Sankaré qui n'a pas été bon parce que, on le sait, l'an dernier, souvent quand il n'y avait pas Toulalan, on faisait de mauvais matchs aussi au milieu. La vraie question, c'est pas ça. La vraie question, c'est celle-là. Quel est votre pronostic? Pronostic? Oui, votre pronostic. Une boucherie. La vraie question, c'est de savoir est-ce que ça serait une boucherie ou non. Je veux votre pronostic. On va passer parce qu'à chaque fois, on dérive vers Vidéoton. On va y aller franco. Votre pronostic, un tour de table, Vidéoton, la pause et on parle vraiment de Vidéoton après. Allez. Cyril. Allez, je me lance. 3-0 pour Angers. Oh, 2-1 pour Bordeaux. 1-1, je suis optimiste. 3-1 pour Bordeaux. Les gars, calmez-vous. Ah, quoi. La drogue. Angers ou nul? Non, mais ça, c'est pas un prono. Bah, Angers, c'est 1-2. C'est 1-N. Non, non, moi, je veux un score et je veux un seul résultat. Ouais, un partout. 0-0. 0-0 parce qu'on est incapable de marquer et que Angers est pas encore à fond. Ouais, mais moi je rejoins Cyril, c'est 6-0 et encore. Pardon. Ah, toujours plus. Alors déjà, moi j'étais extrémiste parce que c'était pour conjurer le mauvais sort. J'ai dit si jamais je mets Angers, je vais et leur après, porter l'œil. Et après, on s'étonne pourquoi les gens disent que vous êtes des footix, les gars. Non, je plaisante. Non, mais ça, on n'est pas des footix, on est deux footix. Moi aussi, je pense qu'on va perdre et je pense qu'on risque de prendre une petite correction. Honnêtement. Si je dois parler vraiment. Ce soir, on dira on va gagner 6-0. Et imagine. Ah, mais par contre, honnêtement, si quand je ressors du truc, j'ai écouté Gourvenec parler aux supporters et tout, ça m'a pas rassuré ce qu'il a dit. Donc clairement, tu prépares le terrain, quoi. J'ai l'impression quand même qu'il était fataliste. Ouais, un petit peu. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'à l'heure actuelle, on est en train de modeler l'effectif en enlevant des joueurs, en vendant des joueurs, se séparant de joueurs et en recrutant des joueurs pour entrer dans un schéma tactique avec deux ailiers. Et comme le disait Marc, si on avance et qu'en décembre, j'espère pas aller aussi loin, et qu'en décembre on arrive et qu'on se dise, finalement le schéma tactique c'est pas bon et qu'on change, on aura modelé l'effectif en fonction de ce 4-3-3 et on va se retrouver avec des joueurs qui sont pour des postes, plus à leur poste. Voilà. Mais après, on s'enflamme franchement sur un match. Oui. Mais oui. Le problème aussi, c'est peut-être Gourvenec qui tire une balle dans le pied en disant je vais mettre tout l'allant en défense. Alors qu'il y avait un milieu qui marchait l'an dernier, que t'avais pas de soucis, et t'as l'impression qu'il remet tout en cause et il se met en danger pour rien. Alors peut-être qu'il va réfléchir, il va se dire peut-être que il l'a remis en cause, il a juste remis en cause parce qu'on était censé avoir Garcia machin, truc, et on a personne Non, mais attends, il y a eu un mauvais timing avec le départ de Pallois et il faut arrêter d'être con. Arrive un moment, il sait ça depuis 6 mois, le mec tu le potasses pour qu'il arrive en juin, tu le potasses pas pour que quand il y en a un défenseur central qui soit parti, parce que on l'a laissé partir Pallois pour la simple et bonne raison que on s'est dit ah c'est bon, on pourra avoir le milieu défensif. On a fait n'importe quoi Ça, il y a eu un problème de timing, il faut pas oublier que le Toulalan défenseur central, il y en a plein qui ont dit c'est une superbe idée pour la relance, c'est génial, sauf problème pour la Roland, c'est ça que tu récupères le ballon. Et hier, on l'a pas récupéré. Tu te sens seul chez toi et tu recherches de la compagnie pour des discussions enflammées et passionnées ? Appelle Girondin Analyse au 05 56 35 31 31. On t'attend, vite. Ah, c'est comme ceux qui voulaient te voir tes fesses, tu vois. Ouais, ça parle de Katsumi, ça y est, c'est parti. Ça y est. Mais nous, on l'avait fait avant, tu vois. Alors, messieurs, on va faire un petit tour de table. J'ai même pas un tour de table parce que j'ai envie qu'on fasse la pause très vite. Vous allez me dire en un mot, résumer ce que vous pensez du match en un seul mot. Après, je donne le programme, on fait la pause et on revient pour de nouvelles aventures. En un mot ? En un mot, ouais. Résumer Vidéotron Bordeaux en un mot. Vierge. Hérésie. ça va être vraiment beaucoup plus enfantin. Moi. Ça va être attentat. Improbable. Moi je dirais arbre, parce que ça me fait penser à un arbre le stade. Tu sais, bon, arbre. Oui, d'accord. C'est tout ça. C'est tout. Il y a Cyprien sur la tribune Gold qui dit dépucelage. On reste toujours dans le thème. On reste toujours dans le thème. Il n'y a que des hommes en plus ici. Non, mais c'est ça, on reste dans le thème. Non, pour moi, c'est. Je l'ai dit tout à l'heure, Auxerre. Bordeaux-Auxerre, 2003. Bordeaux-Auxerre. Tu te souviens de Bordeaux-Auxerre de 2003. Ah, mais en fait, si tu veux, la déception à la fin du match, c'était la même déception qu'après Bordeaux-Auxerre en passant 0. On fait la pause ? On va faire la pause, je rappelle juste le programme. Tu sens le mec qui était à Gold, tu sais. Non, désolé, on va passer. Il n'y avait pas la pub, non. Alors, ah, si, il y avait la pub. Guns N' Roses. Je rappelle le programme tout à l'heure. Donc, on va parler de Vidéoton. On va se poser plein de questions. Simple défaite ou véritable indicateur pour la saison à venir ? Gourvenec est-il le premier responsable ? Toulalan en défense centrale, une vraie bonne idée pour l'interrogation. Enfin, bref, c'est surtout de la radio libre, donc vous pouvez. On nous fera les notes, le carnage, DBZ. Double Bordeaux 0. Ensuite, on a donc les notes, le bon drôle et le bid qu'on donnera en tout des au retour de la pause. On fera un d'accord, pas d'accord sur une phrase que nous a sortie Cyril. On a vécu l'un des pires traumatismes de l'histoire du club avec Calais et la descente en 91. Et ensuite. Voilà, tout le reste, c'est folklore, on peut y aller. Non, mais franchement, appelez-nous, dites-nous, là c'est Radio Libre, on va tous. Il y a Dexter d'abord, je crois. Ouais, il y a Dexter, mais après... Dexter, il va faire les débats avec nous, mais après on fera de la libre antenne. S'il faut finir à minuit, on finira à minuit, là c'est crise là. Et là il y a Thibaut, il dit dans quel traquenard je suis parti là. Je me lève, je vais à Walibi demain. On s'en fout. Voilà. Qui s'en fout ? Nous ? Les Girondins font partie de votre vie. Dites sur Girondin Analyse tout ce que vous pensez, en bien, en mal, et soutenez toujours les Girondins.